Section 10 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Réflexion politique sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français par Monsieur de Chateaubriand. Chapitre 10. Si le roi devait reprendre les anciennes formules dans les actes émanés du trône. Vient ensuite un autre genre de plainte. Comme des enfants gâtés à qui l'on ne refuse rien, nous ne savons à qui nous en prendre de notre bonheur. Le roi a voulu recevoir la couronne comme un héritage et non comme un don du peuple. Il s'est donné le titre de roi de France et non de roi des Français. Il a repris l'ancienne formule « par la grâce de Dieu », etc. Nous voulons une monarchie où nous n'en voulons point. Si nous la voulons, désirons-nous qu'elle soit élective. Dans ce cas, nous avons raison de trouver mauvais que le roi ait daté sa charte de l'an 19e de son règne et de s'appeler Louis XVIII. Mais si, connaissant les inconvénients de la monarchie élective, nous revenons à la monarchie héréditaire, incontestablement la meilleure de toutes. Le roi a dû dire « Je règne parce que mes ancêtres ont régné. Je règne par les droits de ma naissance, sauf à moi à convenir avec mes peuples d'une forme d'institution qui régularise mon pouvoir, assure la liberté civile et politique et soit agréable à tous. » Rien alors n'est plus conséquent que la conduite du roi. Nous ne sommes point une république. Il n'a pas dû reconnaître la souveraineté du peuple. Nous ne sommes point une monarchie élective. Et il n'a pu revenir par voie d'élection. Si vous sortez de là, tout est confondu. Il semble toujours à certains esprits exaltés qu'un roi anéantit la loi, ou que la loi va faire disparaître le roi. Loi et roi sont fort compatibles, ou plutôt c'est une et même chose, selon Cicéron et le bon sens. C'est une chicane bien misérable encore que celle qui regarde le titre de « roi de France ». Les Anglais ne sont-ils pas libres ? Cependant, Charles II a daté la déclaration donnée à Bréda de l'an 12e de son règne, et l'on dit « roi d'Angleterre, King of England », et non pas « roi des Anglais, King of the English ». Est-il plus noble d'ailleurs que le roi soit, par son titre, propriétaire des Français, roi des Français, que propriétaire de la France, roi de France? Ne vaudrait-il pas mieux qu'il possédât la terre que l'homme? Car roi des Français ne voudrait pas dire qu'il a été choisi, élu par eux, puisque la monarchie est héréditaire, mais qu'il en est le maître, le possesseur. Tous ces raisonnements sont, de part et d'autre, de méchantes subtilités. Au fond, il ne s'agit pas de tout cela. Sous la première race de nos rois, on disait « roi des Francs »,« rex francorum ». Pourquoi ? Parce que les Francs étaient non une nation, mais un petit peuple barbare et conquérant, presque sans loi, et surtout sans propriété fixe. Ils n'avaient donc alors qu'un général, qu'un capitaine, qu'un chef, qu'un roi, « dux, rex francorum ». Sous la seconde race, le titre d'empereur se mêla à celui de roi, et n'emportant encore que l'idée d'un chef de guerre, imperator. Sous la troisième race, on commença à dire « roi de France », « rex franciae », parce qu'alors le peuple franc, par son mélange avec les Gaulois et les Romains, était devenu une nation attachée au sol de la France, remplaçant les lois saliques, gombettes et ripuaires de la première race, les capitulaires de la seconde, par l'usage du droit romain, par des coutumes écrites recueillies vers le temps de Charles VIII, substituant des tribunaux sédentaires à des tribunaux errants et marchant à grands pas vers la civilisation. Tout n'est pas dans le contrat social. Étudions un peu l'histoire de France. Nous ne serons ni si prompts à condamner, ni si superbes dans nos assertions. La formule « par la grâce de Dieu » se défend d'elle-même. Tout est « par la grâce de Dieu ». Franchement, tâchons, si nous pouvons, d'être libres et heureux, et même s'il le faut absolument, par la grâce de Dieu. Cela est un peu dur, il est vrai. Mais enfin, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Pour nous consoler, nous penserons que les plus grands philosophes ont cru qu'une formule religieuse était aussi favorable à la politique qu'à la morale. Cicéron remarque que la République romaine ne dut sa grandeur qu'à sa piété envers les dieux. Nos petites impiétés politiques aurait fait grande pitié aux anciens. Soit qu'on bâtisse une cité nouvelle, dit Platon, soit qu'on en rebâtisse une ancienne tombée en décadence, il ne faut point, si on a du bon sens, qu'en ce qui appartient aux dieux, au temple, on fasse aucune innovation contraire à ce qui aura été réglé par l'oracle. Enfin, dans toute constitution nouvelle, il est bon, il est utile qu'on aperçoive les traces des anciennes mœurs. Pourquoi la République française n'a-t-elle pu vivre que quelques moments? C'est, indépendamment des autres causes qui l'ont fait périr, qu'elle avait voulu séparer le présent du passé. Bâtir un édifice sans base, déraciner notre religion, renouveler entièrement nos lois et changer jusqu'à notre langage. Ce monument flottant en l'air, qui n'avait de point d'appui ni dans le ciel ni sur la terre, s'est évanoui au souffle de la première tempête. Au contraire, dans les pays où il s'est opéré des changements durables, on voit toujours une partie des anciennes mœurs se mêler aux mœurs nouvelles, comme des fleuves qui viennent à se réunir et s'agrandissent en confondant leurs eaux. Dans la République romaine, on conserva la plus grande partie des institutions monarchiques. Le nom seul de roi fut changé, dit Cicéron. La chose resta. Ce nom même de roi fut jugé si sacré qu'on le garda parmi les choses saintes, en l'attribuant au chef des sacrifices, Rex Sacrificulus, ou Rex Sacrorum. À Athènes, la dignité de roi des sacrifices était le partage du second archonte, et elle passait pour une des premières de l'État. La constitution des Anglais porte de profondes marques de son origine gothique. Le roi, dit Montesquieu, y conserve, avec une autorité limitée, toutes les apparences de la puissance absolue. Dans certains cas, on le serre à genoux, on lui parle dans le langage le plus soumis et le plus respectueux. En un mot, on lui parle comme à la loi dont il est la principale source. Il y a plus. Presque toutes les coutumes normandes et les lois saxonnes subsistent encore en Angleterre, même celles qui paraissent aujourd'hui les plus éloignées de nos mœurs. Ainsi, dans certains comtés, un mari peut exposer sa femme au marché public, ce qui remonte à l'ancien droit d'esclavage. Qui croirait que, dans un pays si libre, on retrouve tout ce qui rappelle les siècles que nous appelons de servitude et contre lesquels nous avons tant déclamé? C'est que nos voisins ont été plus raisonnables que nous. C'est que, pour fonder quelque chose, ils se sont servis de la base qu'ils ont trouvée. C'est qu'ils ont le bon esprit de laisser les lois caduques mourir de mort, sans hâter leur destruction par une violence dangereuse. Quelques politiques pourront prendre tout cela pour de l'esclavage. Et c'est avec cette exagération qu'on passe des excès de la démagogie à la soumission la plus lâche sous un tyran. Rien de bon sans la raison. Enfin, ce Guillaume III, ce monarque qu'on appela au trône d'Angleterre que sous la condition d'accepter la Constitution de 1688, fut aussi roi, lui et ses successeurs, de droit divin et par la grâce de Dieu. It was observed that, dit Smollett, the king who was made by the people had it in his power to rule without them. To govern, iure divino, though he was created, iure humano. On remarqua que le roi, choisi par le peuple, pouvait, s'il le voulait, gouverner sans le peuple, et régner de droit divin, quoiqu'il eût été établi de droit humain. Les Anglais en sont-ils moins libres aujourd'hui? N'est-ce pas, au contraire, ce qui a affermi chez eux les bases de la liberté, en lui donnant un caractère sacré? Ainsi, les mœurs de nos pères, conservées dans de vieilles formules, dans le souvenir de notre ancien droit politique, porteront quelque chose de religieux dans les institutions nouvelles. La monarchie française est un arbre antique dont il faut respecter le tronc si nous voulons greffer sur ses branches de nouveaux fruits. Cet arbre de la patrie, qui nous a donné ses fruits pendant 1400 ans, peut encore en nourrir d'aussi beaux, quoique d'une autre espèce, si l'on sait bien profiter de sa sève. Fût-il d'ailleurs aussi desséché qu'il est vigoureux, à l'ombre de la religion et par la grâce de Dieu, il aurait bientôt repris sa verdure. Le bâton d'Aaron refleurit dans l'arche. Il est fâcheux qu'une révolution si longue et si terrible ne nous ait pas mieux instruits, que nous en soyons encore à ces éléments de la politique, à nous disputer sur des mots. Ayons la chose sans nous embarrasser comment nous l'avons. Ayons une liberté monarchique et sage. Peu importe que nous la tenions des mains d'un chancelier en simarre, dans le langage gothique des Harley et des L'Hôpital. Ou plutôt, il importe beaucoup qu'elle soit fille de nos mœurs, et qu'à ses traits, nous reconnaissions notre sang. Chapitre 11. Passage d'une proclamation du roi. Voici un autre grief. Le roi a dit dans une de ses proclamations que tout le monde conserverait ses places, et cependant quelques personnes les ont perdues. Le reproche est étrange. Le roi a-t-il pu prendre l'engagement de ne déplacer absolument qui que ce fût? Quoi, par le seul fait de la présence du roi, toutes les places de l'État seraient devenues places à vie? Le moindre commis à la barrière se serait trouvé dans le cas du chancelier, le moyen alors de gouverner. Louis XVIII, comme Hugues Capet, aurait confirmé ou établi en arrivant le système des fiefs. Il y aurait eu autant de petits et de grands souverains qu'il y a de grandes et de petites places en France. Il ne restait plus qu'à les rendre héréditaires. Le roi n'aurait pu renvoyer un juge prévaricateur, un receveur infidèle, un homme repoussé par l'opinion publique. Il aurait fallu, dans tous ces cas, nommer un administrateur en attendant la démission ou la mort du titulaire. Que veut donc dire cette phrase « Tout le monde conservera ses places » Elle veut dire, selon le sens commun, que tout homme contre lequel il n'y aura pas de raisons invincibles, soit du côté de la capacité, soit sous le rapport moral, restera dans le poste où le roi l'aura trouvé, ou bien qu'il sera appelé à d'autres fonctions. Elle veut dire qu'on ne sacrifiera pas un parti à un autre, que le nom de royaliste et de républicain ne sera ni un droit d'admission, ni une cause d'exclusion, et qu'enfin les seuls et véritables titres aux places seront la probité et l'intelligence. Dans ce cas, le roi n'a-t-il pas suivi exactement ce qu'il avait promis? Nous avons déjà fait remarquer que la presque totalité des emplois est entre les mains des personnes qui ont servi l'ordre de choses détruit par la Restauration. De la plainte générale, passant à la plainte particulière, on cite les membres du Sénat qui n'ont pas été admis dans la Chambre des Pairs. Il ne fallait pas toucher à une pareille question. Il ne fallait pas rappeler au public que tel homme qui a fait tomber la tête de Louis XVI reçoit une pension de 36 000 francs de la main de Louis XVIII. Loin de se plaindre, il fallait se taire. Il fallait sentir que de pareils exemples produisent un tout autre effet que d'attirer l'intérêt sur ceux dont on se fait les défenseurs. Tant de malheureux proscrits pour la cause royale, tant d'honnêtes républicains qui n'ont par devers eux aucun crime, pourraient tomber dans le découragement. Les uns sont réduits par leur loyauté à la plus profonde misère. Les autres sont restés dans leur première indigence pour n'avoir pas voulu profiter de nos malheurs. Ils se livreraient à des réflexions étranges à la vue de ces juges du roi, qui possèdent des châteaux, des traitements, des cordons, des places même, et des honneurs. N'insistons pas sur cette idée. Nous trouverions peut-être que les honnêtes gens n'ont jamais été mis à une plus rude épreuve, et nous jetterions sur le bien et sur le mal, sur les bonnes et sur les mauvaises actions, des doutes capables d'ébranler la vertu même. Dans la vérité, on ne fait pas sérieusement au ministre du roi le reproche que nous examinons, car on insinue qu'ils ont conservé, dans la Chambre des Pairs, des membres du Sénat que, selon les auteurs des pamphlets, on aurait dû renvoyer. D'où il résulte qu'on est conduit dans ces plaintes plus par un esprit de parti que par un sentiment de justice, et qu'on est bien moins fâché que tel homme soit exclu de la Chambre des Pairs que fâché que tel autre homme y soit admis. Chapitre 12. Des alliés et des armées françaises. À travers les déclamations, on voit percer une inimitié secrète contre les puissances alliées qui nous ont aidés à rompre nos chaînes. Si les alliés sont entrés en France, à qui la faute en est-elle? Est-ce au roi ou à l'homme de l'île d'Elbe? Y sont-ils entrés pour Louis XVIII? Ils désiraient sans doute que les Français, revenus de leurs erreurs, rappelassent leur souverain légitime. Ils le désiraient comme le moyen le plus prompt et le plus sûr de faire cesser les maux de l'Europe. Ils le désiraient pour la cause de la justice, de l'humanité et des rois. Ils le désiraient encore à raison de l'amitié particulière qu'ils portaient à Louis XVIII et de l'estime qu'ils faisaient de ses vertus. Mais ce vœu secret de leur cœur était à peine pour eux une faible espérance. Ayant, après tout, d'autres intérêts que les nôtres, ils se devaient à leur peuple, de préférence à nos malheurs. il ne pouvait songer à prolonger sans fin les calamités de la guerre. Ils auraient, quoiqu'à regret, traité avec Buonaparte s'il avait voulu mettre la moindre justice dans ses prétentions. Combien de fois ne s'est-il pas vanté, pendant le congrès de Châtillon, d'avoir la paix dans sa poche ? Une fois même, on l'a cru signée, et en effet, elle était près de l'être. Les Bourbons n'étaient pour rien dans ces mouvements, ou du moins, ils n'y étaient que pour des vœux subordonnés aux chances de la guerre, aux événements et aux combinaisons politiques. Ils n'avaient ni soldats, ni argent, ni crédit. On n'avouait pas même leur présence sur le continent, et à Paris, c'était un problème de savoir si quelques-uns d'entre eux étaient ou n'étaient pas sortis d'Angleterre. Les malheurs de la guerre ne peuvent donc être imputés à nos princes. La chose est si évidente qu'on n'a pas encore osé les leur reprocher. Très certainement, et nous le sentons peut-être plus vivement qu'un autre, c'est une chose peu agréable pour un peuple de voir les étrangers dans le cœur de son pays. Mais l'événement arrivé, par la faute d'un homme qui lui-même était étranger à la France, pourrait-on ne pas reconnaître ce que la conduite des ennemis a eu de noble et de généreux ? Ils ont donné à Paris un exemple unique dans l'histoire, et qui peut-être ne se renouvellera plus. Y avait-il rien de plus insensé, de plus absurde, de plus déloyal, que cette dernière guerre déclarée par Buonaparte à Alexandre ? Il sera éternellement beau, éternellement grand, d'être sorti des cendres de Moscou pour venir conserver les monuments de Paris. Et l'Autriche, qui avait tant fait de sacrifices, et la Prusse, si cruellement ravagée, n'avait-elle point de vengeances à exercer ? Et pourtant, les souverains alliés, admirant notre courage, oubliant leurs injures, poussant la délicatesse jusqu'à ne pas vouloir entrer dans le palais de nos rois, n'ont paru attentifs qu'à notre bonheur. Refuserions-nous à l'un des premiers hommes de ce siècle, à Lord Wellington, les éloges moins dus encore à ses talents qu'à son caractère. Mais la part une fois faite, ces justes louanges une fois données à des monarques, à des hommes, à des peuples qui les méritent, nous rentrons dans tous nos droits. Ces louanges ne sont point prises sur celles qui appartiennent à nos armes. En quoi sommes-nous humiliés ? On est venu à Paris, eh bien, ne sommes-nous pas entrés dans presque toutes les capitales de l'Europe ? Si on cessait d'être juste envers notre gloire, ce serait à nous de nous en souvenir. Les Romains disaient l'amour de la patrie. Nous, nous disons l'honneur de la patrie. L'honneur est tout pour nous. Malheur à qui oserait nous frapper dans cet honneur où un Français place toute sa vie. Mais, grâce à Dieu, personne ne nous dispute ce qui nous appartient légitimement. Qui donc méconnaît l'héroïsme de notre armée ? Sont-ce ces émigrés qui ont été accusés chez l'étranger de s'enorgueillir des victoires mêmes qui leur fermaient le chemin de leur patrie ? Qui ne connaît l'admiration du roi et de nos princes pour nos soldats ? L'armée française est tout l'honneur de la France. Si ces succès n'avaient pas fait oublier nos crimes, dans quelle dégradation ne serions-nous pas tombés aujourd'hui ? Elle nous dérobait au mépris des nations en nous couvrant de ses lauriers. À chaque cri d'indignation échappé à l'Europe, elle répondait par un cri de triomphe. Nos camps étaient un temple pour la gloire, un asile contre la persécution. Là se réfugiaient tous les Français qui cherchaient à se soustraire aux violences des proconsuls. Nos soldats n'ont partagé aucune de nos fureurs. En Angleterre, le Parlement voulait sauver Charles Ier, et l'armée le fit mourir. En France, la Convention conduisit Louis XVI à l'échafaud, et l'armée ne prit aucune part à ce crime. Elle l'aurait sans doute prévenu si elle n'eût été alors occupée à repousser les ennemis. Lorsqu'on lui ordonna de ne faire aucun quartier aux Anglais et aux émigrés, elle refusa d'obéir. Persécutée comme le reste de la France par des ingrats qui lui devaient tout, elle était souvent sans solde, sans vivres et sans vêtements. Elle se vit suivre par des commissaires qui traînaient avec eux des instruments de mort, comme si le boulet ennemi n'emportait pas encore assez de nos intrépides soldats. On envoyait nos généraux au supplice. On faisait tomber la tête du père de Moreau, tandis que ce grand capitaine reculait les frontières de la France. Ces piges grues, ce sont d'autres chefs fameux qui conçurent les premiers l'idée de rendre le bonheur à notre pays, en rappelant notre roi. Honneur donc à cette armée si brave, si sensible, si touchée de la gloire, qui, toujours fidèle à ses drapeaux, oubliant les folies d'un barbare, retrouva assez de force, après la retraite de Moscou, pour gagner la bataille de Lutzen, qui, poussé et non accablé par le poids de l'Europe, se retira en rugissant dans le cœur de la France, défendit pied à pied le sol de la patrie, se préparait encore à de nouveaux combats, lorsque, placé entre un chef qui ne voulait pas mourir et un roi qui venait fermer ses blessures, elle s'élança toute sanglante dans les bras du fils d'Henri IV. Non, les événements glorieux ne sont ni oubliés, ni défigurés, comme on voudrait le faire croire. On n'a point perdu, quoi qu'on en dise, la partie d'honneur. Cette partie-là ne sera jamais perdue par des Français. Et n'est-elle pas mille fois gagnée, puisqu'elle nous a valu notre roi, et qu'elle nous a fait sortir d'esclavage? C'est un si grand bien d'être délivré du despotisme qu'on ne saurait trop l'acheter. Si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, notre repos devait encore être troublé, des Français peuvent retrouver des victoires. Mais où retrouve-t-on un peuple lorsqu'une longue servitude l'a flétri? Pour nous, nous le dirons avec franchise, nous aimerions mieux la France resserrée dans les murs de Bourges, mais libre sous un roi légitime, qu'étendue jusqu'à Moscou, mais esclave sous un tyran. Du moins, on ne nous verrait pas adorer les fureurs et bénir les mépris d'un indigne maître, baiser ses mains dégoûtantes du sang de nos fils, offrir des sacrifices à sa statue et porter son buste orné de pourpre sur la tribune aux harangues. Les Romains étaient un grand peuple quand ils ne passaient pas la frontière des Samnites. Qu'étaient-ils lorsque, gouvernés par Néron, ils commandaient sur les rives du Rhin et de l'Euphrate? Chapitre 13. De la charte. Qu'elle convient aux deux opinions qui partagent la France. Ici finit ce que notre tâche avait de pénible. Nous n'avons plus de sujets douloureux à rappeler. Le principal écrivain que nous avons combattu a raison dans les dernières pages de son ouvrage. Il nous dit que la charte offre assez de garanties pour nous sauver tous, qu'il faut nous créer une opinion publique, nous attacher à notre patrie. Belles paroles auxquelles nous souscrivons de grand cœur. Et qui pourrait se plaindre de cette charte? Elle réunit toutes les opinions, réalise toutes les espérances, satisfait tous les besoins. Examinons-en l'esprit. Nous trouverons dans cet examen un nouveau sujet de reconnaissance pour le roi. Les Français, indépendamment des divisions politiques naturelles et nécessaires à une monarchie, se partagent aujourd'hui en deux grandes classes. Ceux qui ne sont pas obligés de travailler pour vivre, et ceux que leur fortune met dans un état de dépendance. Occupés de leur existence physique, les seconds n'ont besoin que de bonnes lois. Mais les premiers, avec le besoin des bonnes lois, ont encore celui de la considération. Ce besoin est dans tous les cœurs. Il n'y a point de puissance humaine qui parvint aujourd'hui à le détruire, ou qui le choquât impunément. C'est une conséquence nécessaire de l'égalité qui s'est établie dans l'éducation et dans les fortunes. Tout homme qui lit passe, et trop souvent pour son malheur, de l'empire des coutumes à l'empire de sa raison. Mais enfin, ce sentiment est noble en lui-même. Le heurter serait dangereux. De plus, il faut se souvenir que depuis 60 ans, les Français se sont accoutumés à penser librement sur tous les sujets. Depuis 20 ans, ils ont mis en pratique toutes les théories qu'ils s'étaient plus à former. Des essais sanglants sont venus les détromper. Cependant, les idées d'une indépendance légale et légitime ont survécu. Elles existent, partout, dans le soldat, sous la tente, chez l'ouvrier, dans sa boutique. Si vous voulez contrarier ces idées, les resserrer dans un cadre où elles ne peuvent plus entrer, elles feront explosion, et en éclatant, causeront des bouleversements nouveaux. Il est donc nécessaire de chercher à les employer dans un ordre de choses où elles aient assez d'espace pour se placer et pour agir, et où cependant elles rencontrent des digues assez fortes pour résister à leur débordement. C'est ce que le roi a merveilleusement senti. C'est à quoi il a pourvu, par la charte. Toutes les bases d'une liberté raisonnable y sont posées, et les principes républicains s'y trouvent si bien combinés qu'ils y servent à la force et à la grandeur de la monarchie. D'une autre part, vous ne pouvez pas arracher les souvenirs, ôter aux hommes les regrets de ce passé que l'on aime et que l'on admire, d'autant plus qu'il est plus loin de nous. Si vous prétendez forcer les sentiments des vieux royalistes à se soumettre au raisonnement du jour, vous produirez une autre espèce de réaction. Il faut donc trouver un ordre de choses où la politique de nos pères puisse conserver ce qu'elle a de vénérable, sans contrarier le mouvement des siècles. Eh bien, la charte présente encore cette heureuse institution. Là se trouvent consacrés tous les principes de la monarchie. Elle convient donc également, cette charte, à tous les Français. Les partisans du gouvernement moderne parlent au nom des Lumières qui leur semblent éclairer aujourd'hui l'esprit humain. Les défenseurs des institutions antiques invoquent l'autorité de l'expérience. Ceux-ci plaident la cause du passé, ceux-là l'intérêt de l'avenir. Les républicains disent « Nous ne voulons pas retourner à la féodalité, aux superstitions du Moyen-Âge. » Les royalistes s'écrient « Nous ne voulons pas, de constitution en constitution, nous égarer dans de vains systèmes, abandonner ces idées morales et religieuses qui ont fait la gloire et le bonheur de nos aïeux. » Aucun de ces excès n'est à craindre dans l'espèce de monarchie rétablie par le roi. Dans cette monarchie viennent se confondre les deux opinions. L'une ou l'autre, comprimée, produirait de nouveaux désastres. Les idées nouvelles donneront aux anciennes idées cette dignité qui naît de la raison. Et les idées anciennes prêteront aux nouvelles idées cette majesté qui vient du temps. La charte n'est donc point une plante exotique, un accident fortuit du moment, c'est le résultat de nos mœurs présentes. C'est un traité de paix signé entre les deux parties qui ont divisé les Français. Traité où chacun des deux abandonne quelque chose de ses prétentions pour concourir à la gloire de la patrie. Chapitre 14. Objection des constitutionnels contre la charte. De l'influence ministérielle et de l'opposition. Mais, disent les constitutionnels, la charte est incomplète. Il faudrait que la Chambre des pairs fût héréditaire, que l'on pût entrer plus jeune dans la Chambre des députés, qu'il y eût un ministère et non pas des ministres, que les ministres fussent membres des deux chambres, que ces ministres fussent de bonne foi, que l'opposition ne fût pas une opposition sans richesse, sans pouvoir, sans influence, sans moyen de contrebalancer l'influence ministérielle. Qu'est-ce qu'une ancienne et une nouvelle noblesse conservée? Qu'est-ce que des lettres d'annoblissement lorsque, par le fait, il n'y a qu'une noblesse politique? Les Français auront-ils toujours cette impatience déplorable qui ne leur permet de rien attendre de l'expérience et du temps? Quoi? Depuis le printemps dernier, il n'y a pas eu assez de miracles. Tout doit être aujourd'hui complet, parfait, achevé. La Constitution anglaise est le fruit de plusieurs siècles d'essais et de malheurs, et nous en voulons une sans défaut dans 6 mois. On ne se contente pas de toutes les garanties qu'offre la charte, de ces grandes et premières bases de nos libertés. Il faut sur-le-champ arriver à la perfection. Tout est perdu parce qu'on n'a pas tout. Au milieu d'une invasion, dans les dangers et dans les mouvements d'une restauration subite, on voudrait que le roi eût le temps de porter ses regards autour de lui pour découvrir les éléments de ces choses que l'on réclame. Devait-il tout précipiter? Ce qu'il a osé faire même n'est-il pas prodigieux? Nous qui commençons ce gouvernement, ne nous manque-t-il rien pour le bien conduire? Ne vaut-il pas mieux qu'il se corrige progressivement avec nous que de devancer notre éducation et notre expérience? Un seul article de la charte place notre constitution au-dessus de toutes celles qui ont été jusqu'ici le plus admirées. Nous sommes le premier peuple du monde dont l'acte constitutionnel ait aboli le droit de confiscation. Par là est à jamais tarie une source effroyable de corruption, de délation, d'injustice, de crime. Et voilà le seul jugement que le roi ait porté sur la Révolution, la seule condamnation dont il l'ait frappé. On parle des ministres, on se fait une idée ridicule et exagérée de leur influence. D'abord, ils sont responsables. Et c'est déjà une chose assez menaçante pour eux que ce glaive suspendu sur leur tête. Ensuite, nous avons contre leur incapacité une garantie qui tient à la nature même de nos constitutions. Nous sommes à peu près sûrs que les hommes les plus distingués par leur talent seront appelés au timon de l'État, car un homme absolument nul ne peut occuper longtemps une première place sous un gouvernement représentatif. Attaqué par la voie publique, et dans les deux chambres, il serait bientôt obligé de descendre du poste où la seule faveur l'aurait fait monter. La nation est donc pour toujours à l'abri de ses ministres qui n'ont pour eux que l'intrigue, et dont l'impéritie a perdu plus d'état que les fautes mêmes des rois. Soupçonner la bonne foi des ministres est absurde. Est-ce avec une nation aussi éclairée, aussi spirituelle, qu'on pourrait employer de petites ruses? Tous les yeux seraient à l'instant ouverts. Aujourd'hui, il est dans l'intérêt du gouvernement de marcher à la tête des choses, et non d'être forcé de les suivre. Il n'y a donc rien à craindre de ce côté. Quant à l'opposition, nous convenons qu'elle ne peut jamais être en France de la même nature qu'en Angleterre. Parmi nous, les fortunes ne sont pas assez grandes. Le patronage des familles n'est pas assez étendu pour que l'opposition trouve en elle-même de quoi résister à l'influence ministérielle. Mais si elle n'a pas cette force d'intérêt que lui donnent ses richesses chez nos voisins, elle exerce en revanche une force d'opinion bien plus vive. Qu'un homme de talent et de probité se trouve, non par contradiction mais par conviction, opposé au ministre, il obtiendra, dans les deux chambres et dans la France entière, une prépondérance que tout le poids de la couronne pourrait seul balancer. Un discours éloquent et juste remuera bien autrement notre Chambre des députés qu'un discours semblable prononcé dans la Chambre des communes en Angleterre. Sous ce rapport, notre nation est si sensible qu'il est à craindre qu'elle ne soit, comme Athènes, trop soumise aux inspirations de ses orateurs. Les mystères de l'opinion et du caractère des peuples échappent à toutes les théories et ne peuvent être soumis à aucun calcul. Observez ce qui se passe aujourd'hui dans la Chambre des députés. Elle est laissée entièrement à elle-même. L'influence que les ministres y exercent se réduit à quelques politesses qui ne changent pas le sort d'un seul député. Eh bien, qu'arrive-t-il ? La majorité suit tranquillement sa conscience, louant, blâmant ce qu'elle trouve de bon ou de mauvais. Une chose se fait particulièrement remarquer. Toutes les fois qu'il s'est agi d'affaires d'argent, les chambres n'ont pas hésité. Le noble désintéressement de la nation s'est montré dans toute sa franchise. Ainsi, la liste civile, les dettes du roi, n'ont pas rencontré d'opposition. On aurait pu croire que la loi sur les émigrés allait échauffer les partis. Au grand étonnement de tous, la chambre a été plus favorable que la loi. Les Français se croient déshonorés quand on les force à s'occuper de leurs intérêts. Admirable générosité qui tient au génie d'une nation particulièrement monarchique et guerrière. Admirable nation si facile à conduire au bien. Oh, que ceux qui l'ont égarée ont été coupables. Mais a-t-on traité d'autres sujets? Les chambres se sont divisées selon les principes et les idées de chacun. L'opposition ne s'est plus formée de tels et tels individus. Elle a grossi, diminué, grossi encore, sans égard à aucun parti. On aurait cru qu'il n'y avait pas de ministre, tant on avait oublié que c'était eux qui avaient proposé la loi, pour ne s'occuper que de la loi même. Nous ne connaissons rien de plus propre à honorer le caractère national que la conduite actuelle de nos deux chambres. On voit qu'elles ne cherchent que le bien de l'État. Généreuses sur tout ce qui touche à l'honneur, attentives à nos droits politiques, elles ont voté l'argent sans opposition et défendu la liberté de la presse avec chaleur. C'est qu'en effet, cette dernière question pouvait diviser et embarrasser les meilleurs esprits. Quand on voit d'un côté Genève mettre des entraves à la liberté de la presse, et de l'autre une partie de l'Allemagne et de la Belgique proclamer cette liberté, on peut croire qu'il n'était pas si aisé de décider péremptoirement. Nous avons montré, par les faits même, combien il est difficile chez une nation brillante et animée, de maîtriser les esprits. Les Français ont toujours été libres, au pied du trône. Nous avions placé dans nos opinions l'indépendance que d'autres peuples ont mise dans leurs lois. Cette habitude de liberté dans la pensée fait que nous nous soumettons rarement sans condition aux idées d'autrui. Le député qui aurait le plus promis à un ministre de voter dans le sens de ce ministre, au moment de la délibération, pourrait bien lui échapper. Avec le caractère français, l'opposition est plus à craindre que l'influence ministérielle. Chapitre 15. Suite des objections des constitutionnels. Ordre de la noblesse. Qu'est-ce, dit-on, qu'une noblesse qui n'est pas celle de la Chambre des pairs? Qu'est-ce que des anoblissements? Etc. Ceci tient à la racine des choses. Il faut s'expliquer. Montesquieu a donné l'honneur pour âme à la monarchie et la vertu pour principe à la République. L'honneur, selon lui, réside surtout dans le corps de la noblesse, partie intégrante et nécessaire de toute monarchie qui n'est pas le despotisme. Or, dans une monarchie mixte, les corps constitués, tenant à la partie républicaine du gouvernement, l'un, la chambre des pairs, à l'aristocratie, l'autre, la chambre des députés, à la démocratie, il s'ensuit que les deux corps ont pour base, pour esprit et pour but, la vertu, c'est-à-dire la liberté, sans laquelle il n'y a point de vertu politique. Où donc résidera essentiellement le principe de la monarchie ? Dans la couronne ? Sans doute. Mais la couronne ne peut seule le défendre. Elle serait bientôt envahie par le principe républicain, et la Constitution serait détruite. Ainsi, il faut en dehors de cette Constitution un corps de noblesse, qui soit comme la sauvegarde de la couronne et l'auxiliaire du principe monarchique. Maintenant, observons que la noblesse n'est pas composée d'un seul et unique principe. Elle en renferme évidemment deux, l'honneur et la vertu ou la liberté. Quand elle agit en corps, et par rapport à la monarchie en général, elle est conduite par l'honneur, elle est monarchique. Quand elle agit pour elle-même et d'après la nature de sa propre constitution, elle est mue par la liberté. Elle est républicaine, aristocratique. D'après ces vérités incontestables, voyons ce qui arrivait à la noblesse dans l'ancienne monarchie et de quelle manière elle se combinait avec le corps politique. La noblesse, sous la première et la seconde race de nos rois, se présentait tout entière aux assemblées de la nation. Alors les gentilshommes jouissaient en corps et dans leur intégrité de tous leurs droits, droits qui tenaient au principe de la liberté par leur parti aristocratique et au principe de l'honneur par leur côté monarchique. Sous la troisième race, quand les États généraux succédèrent aux assemblées de mars et de mai, la noblesse se contenta d'envoyer des députés à ces États. Alors elle ne jouit plus en corps de la plénitude de ses droits. La moitié de ses droits, ceux qui tenaient au principe de liberté, les droits républicains ou aristocratiques, furent transmis par elle à ses représentants, tandis qu'elle continuait de garder en corps ses droits monarchiques, c'est-à-dire ceux qui découlaient du principe d'honneur. Cela durait jusqu'à la fin des États généraux, où la mission des représentants de la noblesse venant à finir, cette noblesse réunissait de nouveau ces deux principes et les droits dérivés de ces deux sources. Eh bien, la seule chose qui, sous le rapport de la noblesse, distingue aujourd'hui notre dernière constitution, c'est que ce qui n'arrivait que par intervalle sous la vieille monarchie est devenu permanent dans la nouvelle. La noblesse, représentée dans la Chambre des Pairs, a transmis pour toujours à cette Chambre son principe de liberté, ses droits républicains et aristocratiques, tandis qu'elle reste au dehors conservatrice du principe d'honneur, fondement réel de la monarchie. On voit par là que cette noblesse n'est point du tout incompatible avec nos nouvelles institutions, qu'elle n'est point en contradiction avec la nature du gouvernement, que ce gouvernement n'a pu ni dû la détruire, qu'il a seulement divisé les éléments qui la composaient, séparé son double principe, et que la noblesse subsiste à la fois dans la Chambre des Pairs comme pouvoir aristocratique et hors de la Chambre des Pairs comme force monarchique. Elle n'exerce plus ses droits politiques parce qu'elle en a remis l'usage à la Chambre des Pairs, qui la représente sous les rapports républicains. Mais elle exerce tous ses droits d'honneur. Elle appuie, de cette force si grande en France, l'autorité monarchique qui pourrait être envahie sans ce rempart. Telle est l'action de ce corps qui vous paraît inutile et qui n'est autre, par le fond, que celui de la Chambre des Pairs. Il n'y a point de noblesse dans l'État. Il n'y en a qu'une qui se divise en deux branches, et chacune de ces branches a des fonctions distinctes et séparées. Loin donc de nuire à l'État, cette noblesse, toute d'honneur, réduite à son principe le plus pur, est un contrepoids placée hors du centre du mouvement pour régulariser ce mouvement et maintenir l'équilibre de l'État. C'est ensuite un refuge pour tous les souvenirs, pour toutes les idées qui, ne trouvant pas leur place dans les nouvelles institutions, ne manqueraient pas de les troubler. Les gentilshommes, en maintenant le principe même de la monarchie, seront encore les conservateurs des traditions de l'honneur, les témoins de l'histoire, les héros d'armes des temps passés, les gardiens des vieilles chartes et des monuments de la chevalerie. Considérés seulement comme propriétaires, ces hommes distingués par leur éducation deviendront, comme nous le dirons bientôt, une excellente pépinière d'officiers, d'orateurs et d'hommes d'État. Tout ceci n'est point une théorie plus ou moins ingénieuse, imaginée pour expliquer une constitution qui n'a point eu d'exemple chez les autres peuples. Il y a aussi en Angleterre une ancienne noblesse, plus fière de descendre des Bretons, des Saxons, des Danois, des Normands, des Aquitains, que d'occuper un siège dans la chambre des pairs. Cette noblesse était autrefois si hautaine que nul ne pouvait s'asseoir à la table d'un baron s'il n'était chevalier. Aujourd'hui, elle est aussi entêtée de son blason, de ses quartiers, que les patriciens à Rome étaient orgueilleux de leur naissance et de leur droit d'image. Hus imaginum. Le fief appartient entièrement à l'aîné, selon la coutume de Normandie. Il y a des héros d'armes et des rois d'armes qui tiennent registre de tous les nobles des provinces. Cette noblesse détruit-elle la noblesse politique, fondée dans cette même chambre des pairs? Non, mais elle sert à augmenter le poids et la dignité de la couronne. À Athènes même, ne considérait-on pas ces familles nobles qui remontaient au temps des rois? Une fois prouvé qu'un corps de noblesse intermédiaire peut et doit exister dans une monarchie mixte, qu'il n'y dérange aucun des ressorts politiques, on n'a pas besoin de défendre les anoblissements. Le roi d'Angleterre fait aussi des chevaliers et des baronnets. Il y a une autre sorte d'anoblissement qui s'acquiert par la profession des arts libéraux ou en vivant d'un revenu libre. Dans ce cas, l'anobli reçoit les armoiries qu'il choisit des mains du héros d'armes. Ces récompenses du souverain ne détruisent point l'égalité devant la loi et sont un moyen d'encourager le mérite et la vertu. Chapitre 16. Objection des royalistes contre la charte. Les royalistes disent « C'est en invoquant les progrès des Lumières, avec les mots de liberté et d'égalité, que l'on a précipité la France dans tous les malheurs. Le nom même de Constitution est odieux et presque ridicule. On ne transporte point ainsi chez un peuple le gouvernement d'un autre peuple. Les gouvernements naissent des mœurs et sont fils du temps. Restons français et ne soyons pas anglais. Ce qui est bon pour eux est mauvais pour nous. Nous sommes trop légers pour nous occuper sérieusement des soins publics, trop faciles à nous enflammer, trop enclins aux discours inutiles, trop peu épris du bien général pour avoir des assemblées délibérantes. Nous aurons toujours de l'honneur, fondement de notre monarchie, mais nous n'aurons point cet esprit public qui tient à un autre principe de gouvernement. Notre position continentale même ne nous permet pas de pareilles formes politiques, tandis que dans les deux chambres, nous délibérerons sur la levée d'une armée, les ennemis arriveront à Paris. Si le roi, au contraire, dispose à son gré des soldats, il détruira quand il voudra notre prétendue constitution. On voit que des deux côtés, nous ne dissimulons point les objections et que nous les présentons dans toute leur force. Nous avouerons d'abord que l'on a si étrangement abusé de ces mots « progrès des Lumières »,« constitution », »,« liberté », »,« égalité », qu'il faut du courage aujourd'hui pour s'en servir dans un sens raisonnable. Les plus énormes crimes, les doctrines les plus funestes, ont été commis, se sont répandus au nom des Lumières. Le ridicule et l'horreur sont venus s'attacher à ces phrases philosophiques, prodiguées sans mesure par des libellistes et des assassins. On a égorgé les Blancs pour prouver la nécessité d'affranchir les Noirs. La raison a servi à détrôner Dieu, et le perfectionnement de l'espèce humaine nous a fait descendre au-dessous de la brute. Mais, d'un autre côté, n'avons-nous pas reçu une autre leçon? Pour nous sauver des systèmes d'une philosophie mal entendue, nous nous sommes précipités dans les idées opposées. Qu'en est-il advenu ? Qui voudrait, qui oserait aujourd'hui vanter le pouvoir arbitraire ? Les excès d'un peuple soulevé au nom de la liberté sont épouvantables, mais ils durent peu, et il en reste quelque chose d'énergique et de généreux. Que reste-t-il des fureurs de la tyrannie, de cet ordre dans le mal, de cette sécurité dans la honte, de cet air de contentement dans la douleur, et de prospérité dans la misère ? La double leçon de l'anarchie et du despotisme nous enseigne donc que c'est dans un sage milieu que nous devons chercher la gloire et le bonheur de la France. Prenons-y garde d'ailleurs, si, exaspérés par le souvenir de nos maux, nous les attribuons tous aux Lumières, on nous dira que les dévastations du Nouveau Monde, les massacres de l'Irlande et ceux de la Saint-Barthélemy ont été causés par la religion, que si Louis XVI a été traîné à l'échafaud par des philosophes, Charles Ier y a été conduit par des fanatiques. Cette manière de raisonner de part et d'autre ne vaut donc rien. Ce qui est bon reste bon, indépendamment du mauvais usage que les hommes en ont pu faire. Cette difficulté sur les mots, une fois écartée, venons au fond des objections. On dit « les gouvernements sont fils des mœurs et du temps ». Restons français, ne transportons point chez nous les institutions d'un autre peuple, bonnes pour eux, mauvaises pour nous. Il y a ici grande erreur. Il ne faut pas s'imaginer du tout que la forme actuelle de notre gouvernement soit une chose absolument nouvelle pour nous, que de plus elle ait été inventée par les Anglais, et qu'avant eux, personne n'avait songé qu'il pût exister un gouvernement participant des trois pouvoirs monarchiques, aristocratiques et démocratiques. D'abord, tous les anciens ont pensé que le meilleur gouvernement possible serait celui qui réunirait ces trois pouvoirs. C'était l'opinion de Pythagore et d'Aristote. Je conclus avec Platon, dit Cicéron, que la meilleure forme de gouvernement est celle qui offre le remélange de la royauté, de l'aristocratie et de la démocratie. C'était ce qu'avait fait Lycurgue à Sparte. Écoutons Polybe. Le plus parfait de tous les gouvernements ne serait-il pas celui dont les pouvoirs se serviraient de contrepoids, où l'autorité du peuple réprimerait la trop grande puissance des rois et où un sénat choisi mettrait un frein à la licence du peuple? Tacite partageait cette opinion. Il pensait, à la vérité, qu'un tel gouvernement était si parfait qu'il ne pouvait exister chez les hommes. Mais nous avons fait remarquer ailleurs qu'il avait été réservé au christianisme de réaliser ce beau songe des plus grands génies de l'Antiquité. En effet, le gouvernement représentatif est né des institutions chrétiennes. Des autorités imposantes ne prouveraient pas que des peuples doivent renverser leur gouvernement lorsqu'il est établi pour en prendre un plus parfait. Mais quand ces peuples ont changé de constitution au milieu d'une révolution violente, si la nouvelle constitution se trouve être dans les formes regardées comme les plus belles par un Lycurgue, un Aristote, un Platon, un Polybe, un Tacite, cela doit donner de la confiance. On peut croire qu'on ne s'est pas tout à fait trompé. Montesquieu, après avoir fait un éloge pompeux du gouvernement anglais, prétend qu'on en découvre l'origine chez les Germains, peints par Tacite, et que ce beau système a été trouvé dans les bois. S'il en est ainsi, en l'adoptant aujourd'hui, nous ne ferions nous-mêmes, comme les Anglais, que reprendre le gouvernement de nos pères. Mais, soit qu'ils viennent des Francs, nos aïeux, soit qu'il ait été produit par la religion chrétienne, soit qu'il découle de ces deux sources, il est certain qu'il est conforme à nos mœurs actuelles, qu'il ne les contrarie point, et qu'il n'est point parmi nous une production étrangère. Dans le Moyen-Âge, toute l'Europe, excepté peut-être l'Italie et une partie de l'Allemagne, eut à peu près la même constitution, les Cortés en Espagne, les États généraux en France, les parlements en Angleterre, étaient fondés sur le système représentatif. L'Europe, marchant d'un pas égal vers la civilisation, serait arrivée pour tous les peuples à un résultat semblable, si des causes locales et des événements particuliers n'avaient dérangé l'uniformité du mouvement. La France eut à repousser des invasions. Sa noblesse périt presque tout entière aux champs de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt. Des armées régulières, établies de bonne heure par nos rois, achevèrent de rendre les gentilshommes inutiles, sinon comme chefs, du moins comme soldats. Les fiefs, par suite du renversement des fortunes, commencèrent à tomber dans les mains des roturiers. La partie aristocratique de la Constitution perdant ses forces, la partie monarchique accrut les siennes. Les communes, vexées par les bizarreries de la féodalité, cherchèrent à se mettre à l'abri sous l'autorité royale. L'invariable succession de nos monarques affermissait chaque jour les racines du trône. Une fois l'équilibre rompu, le gouvernement représentatif cessa de suivre sa direction naturelle. Au lieu de se fixer et de se régulariser, comme en Angleterre, il se désunit et laissa prédominer la couronne. Les États généraux, rarement convoqués et toujours dans des moments de trouble, voulurent profiter de ces moments pour ressaisir leurs droits et commencèrent à ne paraître plus que des corps turbulents et dangereux. Sachant qu'ils seraient bientôt dissous, ils se hâtaient de tout envahir, dans l'espoir de conserver quelque chose. Cette conduite acheva de les discréditer. S'ils avaient été appelés à des époques fixes, ils n'auraient pas montré cette jalousie. Et au lieu de ne songer qu'à eux-mêmes, ils se seraient occupés de l'État. Tout se resserra donc autour d'un trône éclatant qu'occupaient tour à tour les meilleurs et les plus grands princes, tandis qu'une autre partie du pouvoir des États généraux tombait entre les mains du Parlement de Paris. Ce corps puissant s'était élevé lentement et en silence, d'abord ambulant, ensuite sédentaire à Paris. Il avait acquis, par son intégrité et ses lumières, une considération méritée. Dès son origine, il avait sapé les fondements de la féodalité et circonscrit les juridictions seigneuriales. La cour des pairs, laïques et ecclésiastiques, qui formaient la haute cour ou le grand conseil de roi, se réunissaient au Parlement dans les causes importantes, avec les princes du sang et quelquefois avec le roi même. Cette réunion donna au Parlement quelque chose de la composition des États généraux. Ceux-ci n'étant convoqués que de loin en loin, le peuple s'habitua à regarder le Parlement comme le corps qui les remplaçait dans l'intervalle des sessions. Le droit de remontrance fit entrer dans ce corps une partie du droit public relatif à la levée des impôts. Ainsi, croissant en renommée par la vertu, la science et la gravité de ses magistrats, par la sagesse de ses décisions, le Parlement se trouva peu à peu investi d'une puissance politique, d'autant plus respectable qu'elle était jointe à la puissance judiciaire. À l'époque des troubles de la Ligue, placé à la tête d'une faction, il exerça presque toutes les fonctions des États généraux et décida des droits d'Henri IV à la couronne. Les États généraux, convoqués sous Louis XIII, n'ayant rien produit, et Richelieu ayant achevé la ruine du pouvoir aristocratique, le Parlement resta seul chargé de défendre le peuple contre la couronne. Une véritable révolution fut accomplie dans l'État. On a pu reprocher au Parlement quelques erreurs, mais ces erreurs ne peuvent balancer les services qu'ils ont rendus à la France. Ils l'ont éclairé dans les temps de ténèbres, défendu contre la barbarie féodale. Et après l'érection de la monarchie absolue sous Louis XIV, ils ont été de fait les seuls représentants, et souvent les représentants courageux de nos libertés. L'Angleterre, partie du même but, arriva à un autre terme. Ces guerres d'Écosse n'étaient rien pour elle et ne menaçaient point son existence. Ces guerres de France, soutenues par des Français, furent heureuses. Rassurée contre les dangers du dehors, elle put s'occuper au-dedans de son administration politique. Les querelles de ses rois affaiblirent la puissance monarchique et fortifièrent la partie aristocratique du gouvernement. La noblesse demeura longtemps souveraine. Ce ne fut que sous le règne d'Henri VII que les comtés, jusqu'alors héréditaires, se changèrent en titres de dignité. L'autorité militaire des gentilshommes ne diminua presque point, parce qu'on ne fut point obligé d'avoir de bonne heure, comme en France, des troupes disciplinées. Le génie d'Alfred, perpétué dans l'institution des jurés, avait fait entrer, par l'ordre judiciaire, les idées démocratiques dans le principe de l'État. Le gouvernement féodal, inconnu des Saxons, introduit en Angleterre par la conquête des Normands, n'y jeta jamais de profondes racines. Plus tard, Édouard III renonça à la langue française, ordonna que les actes publics fussent écrits en anglais et fit revivre ainsi une partie de l'ancien esprit des Germains. Le Parlement, autrement les États généraux, conserva par toutes ses causes son autorité primitive. Souvent assemblé, bientôt il ne fut plus possible au monarque de marcher sans lui. L'orgueil des grands barons anglais fit que le conseil du roi ou la chambre des pairs, des barons, des lords, ce qui est la même chose, sous différents noms, ne se mêla point aux chevaliers ou simples gentilshommes dans les assemblées de la nation. Les communes, appelées par Leicester sous Henri III à ses assemblées, se réunirent aux chevaliers après en avoir été séparées quelque temps. Ainsi se formèrent dans le Parlement d'Angleterre deux chambres distinctes, tandis qu'en France, l'égalité des gentilshommes, pauvres ou riches, ne permit point à la noblesse de se diviser en deux corps, et nos États généraux, délibérant en commun, bien qu'ils votassent par ordre, se trouvèrent avoir manqué l'établissement de la balance de leur pouvoir. Enfin, la révolution religieuse, produite par la violence de Henri VIII, diminua l'influence de l'ordre du clergé dans la Chambre des Lords. Le pouvoir aristocratique, affaibli à son tour par cet événement, vit, par ce même événement, s'augmenter le pouvoir démocratique dans la Chambre des communes. À peu près égales en force, les trois puissances de la monarchie primitive s'attaquèrent et en vinrent à une lutte sanglante sous les règnes malheureux des Stuarts. Aucune des trois n'étant parvenue à opprimer les deux autres, la constitution des Anglais sortit de ce terrible et dernier combat. Ainsi, nous avons eu autrefois le même gouvernement que l'Angleterre, et nous conservons en nous, comme elle les avait en elle-même, tous les principes de son gouvernement actuel. Voltaire observe très bien quelque part que le Parlement d'Angleterre n'est autre chose qu'une imitation perfectionnée de nos États généraux. Et Daxo dit, avec autant de fondement, que l'on retrouve toutes nos lois dans les vieilles lois de la Grande-Bretagne. Dans des questions de cette importance et de cette nature, il faut marcher le flambeau de l'histoire à la main. C'est le moyen de se guérir de beaucoup de préventions et de préjugés. Il n'est donc pas question, dans tout ceci, de se faire anglais. L'Europe, qui penche avec nous vers un système de monarchie modérée, ne se fera pas anglaise. Ce que l'on a, ce que l'on va avoir, est le résultat naturel des anciennes monarchies. L'Angleterre a devancé la marche générale d'un peu plus d'un siècle. Voilà tout. Fin de la section 10.